nous parcourons le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, un peu comme si nous visitions une galerie d'art et que nous nous arrêtions devant chacun de ces tableaux. C'est ainsi que nous avons défilé devant les portraits d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et de Moïse. Ces différents exemples nous ont amenés au verset 29 d'Hébreux 11. Or, dès le verset 30, c'est comme si le guide qui nous fait parcourir cette galerie de portraits des hommes de foi voulait nous faire hâter le pas. Il fait encore brièvement allusion au rôle de la foi lors de la conquête de la ville de Jéricho et dans l'acte de bienveillance d'une femme, Rahab, qui avait accueilli les espions d'Israël. Puis, il se contente de nommer d'autres grands hommes de foi. Nous lisons Hébreux 11, 32. « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. » C'est comme s'il voulait nous renvoyer aux livres historiques de l'Ancien Testament où nous trouvons les biographies de ses serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons malheureusement pas, dans le cadre de cette émission, les passer en revue. Rappelons simplement qu'ils ont tous été remplis d'une foi dynamique, cette foi qu'engendre la parole du Seigneur. Même s'ils ont eu par ailleurs leurs moments de défaillance, leurs crises de doute ou leurs faiblesses de caractère. Dès le verset 33, il n'y a plus de nom. L'auteur sacré se contente de rappeler des actes précis qui témoignent d'une foi vivante et dynamique. Pour rendre notre étude plus vivante et pour vous engager, chers amis, à la poursuivre vous-même après cette émission, essayons de découvrir à qui l'auteur pense quand il parle. Des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Recommençons cette énumération. Qui sont ceux qui, par la foi, vainquirent des royaumes? Cette phrase nous fait penser à Caleb, Josué, Gédéon, Barak, Samson, David et bien d'autres. Qui furent ceux qui exercèrent la justice? N'est-ce pas une allusion au jugement de Salomon, premier livre des rois, chapitre 3? Qui étaient ceux qui obtinrent des promesses? Je pense à l'anxiété du roi Ézéchias en 2 rois 18 et 19. Sanchérib, roi d'Assyrie, assiégeait Jérusalem. En réponse à la foi d'Ézéchias et à sa prière, Dieu lui promit la délivrance et l'armée ennemie fut frappée par Dieu. Mais l'énumération d'Hébreux 11 se poursuit. Ils fermèrent la gueule des lions. Comment ne pas penser ici au miracle de Dieu en faveur de Daniel, injustement jeté dans la fosse aux lions, Daniel chapitre 6. D'autres encore éteignirent la puissance du feu. Allusion évidente aux compagnons de Daniel qui, en vertu de leur foi, marchèrent dans la fournaise ardente sans être consumés par ses flammes, Daniel chapitre 3. Puis viennent ceux qui échappèrent aux tranchants de l'épée, comme Samson, Jephté, Jonathan, Josaphat et beaucoup d'autres, ou encore ceux qui guérirent de leur maladie, comme le roi Ézéchias, miraculeusement rétabli d'un ulcère mortel, 2 rois chapitre 20. Sans oublier ceux qui furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères, comme les compagnons de David, mentionnés en 2 Samuel 23. Nous en arrivons maintenant au verset 35 d'Hébreux 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Comment ne pas penser ici à la veuve de Sarepta et à la femme sunamite qui recouvrèrent leurs fils, ces fils qui ressuscitèrent après les interventions d'Élie et d'Élisée, 1 roi chapitre 17 et 2 rois chapitre 4. Quant à la phrase suivante, elle nous ramène une fois encore aux trois compagnons de Daniel. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. S'ils s'étaient prosternés devant la statue érigée par le roi Nebuchadnezzar, ils auraient eu la vie sauve. Mais, pour ne pas abjurer leur foi, ils choisirent les tourments et ne craignirent pas la fournaise ardente, certains qu'ils étaient de leur future résurrection. Aujourd'hui, des multitudes de croyants persécutés pour leur foi sont conviés à de tels choix. Prions pour eux, et dans des circonstances combien plus faciles, suivant leur exemple de détermination pour Jésus-Christ. Mais reprenons notre lecture d'Hébreux 11, versets 36 à 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. L'Ancien comme le Nouveau Testament sont riches en exemples d'hommes et de femmes qui ont souffert pour Dieu. David s'est réfugié dans les antres de la terre et les cavernes des montagnes. Jean-Baptiste, tout comme Élie, était vêtu de peau de bête et se tenait au désert. Naboth de Jizréel, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, ou le diacre Étienne, ont été lapidés. Jérémie, Jean-Baptiste et les apôtres ont été emprisonnés. Les prophètes Ézéchiel, Amos et bien d'autres ont été jetés dans des cachots. Et de son côté, l'apôtre Paul a subi le fouet et les chaînes. Enfin, certains disent qu'Ésaïe aurait été scié en deux après avoir été enseveli vivant dans le tronc d'un arbre creux. Tous ces hommes sont des héros dont le monde n'était pas digne, mais que le Seigneur a jugé digne d'être cité en exemple à cause de leur foi. Nous arrivons maintenant à la conclusion du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, les versets 39 et 40. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est comme si, pour reprendre l'image de la galerie des portraits, nous parvenions maintenant au seuil d'une immense salle encore vide, où, au fil des ans, d'autres tableaux devaient être ajoutés. Durant les 20 siècles de l'ère chrétienne, Dieu a complété l'exposition. Innombrables sont les témoins de Jésus-Christ qui figurent en bonne et due place. Et d'autres portraits vont encore occuper les emplacements libres. Ce sont les portraits des vainqueurs de la foi, vivant au dernier quart du XXe siècle. Car le Seigneur appelle aujourd'hui encore des hommes et des femmes qui, après avoir marché sur le chemin de la foi, obtiendront à leur tour ce qui leur a été promis. Cependant, serons-nous dignes d'un tel honneur? Ou bien, nous serons-nous laissés entraîner malgré nous par le matérialisme outrancier qui procède de notre société de consommation? Que lira-t-on de vous, chers auditeurs, membres de l'Église militante de Jésus-Christ, dans les annales célestes, au jour où elles seront dévoilées aux yeux de tous? Les témoins du passé, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il y a là une vérité transcendante et bouleversante pour nous. Abel, Enoch, Noé, Abraham et tous les autres n'ont pas encore reçu la récompense que Dieu leur réserve. Certes, ils jouissent de la présence de leur Seigneur dans le ciel, mais ils attendent encore la couronne et la récompense qui leur sont réservées. Ils les recevront en même temps que nous, si nous sommes fidèles. Alors, et pour l'éternité, nous jouirons tous ensemble de la félicité dans la présence du roi des rois. Il me semble que cette glorieuse perspective devrait nous enflammer. Si nous nous engageons d'un cœur entier pour Christ, nous participerons aussi à la distribution des prix quand Jésus-Christ couronnera tous les héros de la foi. Je ne peux mieux conclure cette série d'études bibliques sur Hébreux 11 qu'en vous invitant à lire avec nous les premiers versets du chapitre suivant, Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En dernier ressort, l'exemple de foi le plus parfait, c'est celui de Jésus-Christ lui-même. Il a supporté les moqueries, enduré les coups et souffert jusqu'à l'extrême pour nous sauver. Et s'il a accepté la crucifixion et la mort, c'était en vue de la joie qui lui était réservée au jour où, à la droite du Père, il retrouvera des millions de rachetés sauvés par son sang expiatoire. Chers auditeurs, voulez-vous, en cet instant précis, porter vos regards sur Jésus-Christ, celui qui suscite en vous la foi pour la mener ensuite à la perfection? Alors, l'objectif de nos 7 émissions consacrées à Hébreux 11 aura été atteint et vous aurez retiré de ce merveilleux chapitre la bénédiction que le Seigneur vous réservait.